François Morel, c'est à vous. Oui, beaucoup d'affaires judiciaires récentes ont créé la polémique. Une parole a été très entendue et très commentée, c'est celle du juriste Cyril Hanouna. Sa démonstration a semblé lumineuse, à la fois de fermeté et de simplicité, aux yeux de nombreux citoyens qui, légitimement, se posent des questions sur la politique judiciaire en France. Au sujet d'une affaire récente, le légiste Cyril Hanouna déclarait dans son style si musclé qu'il n'est pas sans rappeler les plus belles plaidoiries des ténors du barreau. Pour moi, si on a toutes les preuves, c'est perpétuité directe. Le procès doit se faire immédiatement en quelques heures et c'est perpétuité directe. Certains ont cru déceler dans cette déclaration, en lisant certainement entre les lignes, en allant au-delà de la prose un peu technique du magistrat Hanouna, une sorte d'invitation à la justice expéditive qui, selon certains humanistes fleurs bleues, pourrait se retrouver en contradiction avec les valeurs d'une société qui voudrait refuser la barbarie. J'emploie le terme « barbarie » car notre consoeur Sophia Aram, dans sa chronique du lundi, a cru devoir déclarer « Hanouna est un barbare au service de la barbarie ». Ce qui n'est pas loin de rejoindre la précédente déclaration d'un humoriste célèbre selon qui il y a un peu de démagogie chez Cyril Hanouna. Un peu de démagogie chez Cyril Hanouna. Pourquoi tout de suite monter dans les tours au risque d'être insultant vis-à-vis d'un personnage aussi considérable que le jurisconsulte Cyril Hanouna? Oui, pourquoi une telle violence dans l'expression? Tu aurais pu dire, cher humoriste célèbre, il y a peut-être de temps en temps chez Cyril Hanouna un soupçon de légère démagogie dans certains propos qui certainement à son corps défendant lui échappent malencontreusement. La chronique de Sophia Aram lundi dernier a beaucoup, beaucoup choqué, notamment au sein de l'équipe de Touche pas à mon poste dirigée par l'arrêtiste Cyril Hanouna. Je trouve que la chronique était consternante, a notamment jugé Guillaume Janton critiquant la prestation de Sophia Aram au risque de prendre avec beaucoup de courage, beaucoup de hardiesse, beaucoup de panache la défense de celui qui le fait manger depuis plusieurs années. Tous ceux qui ont fait des éditos là-dessus, comme Sophia Aram, cela doit être examiné par l'ARCOM, parce que rigoler là-dessus et m'insulter, c'est extrêmement grave, note l'homme de loi Hanouna. Entre nous, on ne percevait pas spécialement l'envie de rigoler chez Sophia Aram, plutôt un sentiment situé entre la colère et le dégoût. En revanche, ainsi que le dit l'expert judiciaire Cyril Hanouna, critiquer quelqu'un d'aussi important que lui dans le paysage audiovisuel français est certainement extrêmement grave et ne doit sûrement pas rester impuni. Comment l'ARCOM, autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, va réagir? On ne sait pas, on attend. Licencier Sophia Aram, la priver de ses droits civiques, l'envoyer au bagne? Comment essuyer l'affront fait au jurisprudent Hanouna? J'ai une idée, pourquoi ne pas le nommer garde des Sceaux afin de mettre en pratique ses idées si novatrices? Merci à vous, François Morel. France Inter.